Il y a des pages de notre histoire que l'on aime, que l'on tourne ou que l'on oublie. Mais pour se reconstruire parmi les débris, tristesse et rage font de bons outils. J'ai pris mes distances du précipice pour faire la fierté de ma génitrice. Depuis je me sers de chaque pierre qu'on me jette pour me construire tel un édifice. J'ai le mot bâtir pour devise, mais ce serait plus facile si on le faisait ensemble. Je suis pas très droit comme la tour de Pise, mais j'essaie de retenir mes mauvais penchants. Tu sais les temps changent, je suis pilier de comptoir, devenu un homme lors des contractions. Pour l'avenir de mon gosse, je rêve de bases solides, des valeurs qu'on transmet sur la fondation. Je suis l'architecte qui reste terre à terre, qui préfère bâtir sans viser trop grand. Les étapes de la vie se montent pierre par pierre, des défaites, des victoires, souvent des faux plans. Et si tout s'écroule, bah je recommencerai, car tout ce chantier, c'est le taf d'une vie. J'aime à croire que mes défunts peuvent me voir de très haut dans le ciel, tout comme la muraille de Chine. Et sûrement que ça prendra plus d'une vie pour finir ce que j'ai commencé. Mais les murs sont chargés de notre histoire, n'écoute pas ceux qui cherchent à la romancer. Toi et moi on va faire un pacte sur l'honneur et l'amour d'un père intact. Promets-moi de finir le travail et de trapper que tout ça démarre d'un terrain vague. Dijon. Hey. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Hey. Zori t'a tout filé à ma fille, quitte à ce qu'au final elle en fasse que dalle. Et quitte à ce que ça finisse dans un des placards de la cuisine recouvert de boeuf. Comme obligé de me calmer dès qu'elle me regarde, faire semblant de capter quand elle me parlait. Ça va faire bientôt 2 ans qu'il y a plus que dans le reflet de ses 2 yeux que je me sens quelque part. J'avais pas ce que j'allais faire de moi, mais finalement c'est elle qui s'en est occupée. Depuis qu'elle a décidé de faire de moi son père et de ma cage thoracique son QG, suffit qu'elle se mette à se taper une barre et je me marre, elle te boive si tu lui demandes de te caresser. Elle sait même pas les faire qu'elle met déjà des clés dignes de celle de sa cou. Assez joué, je pourrais la mater des heures à s'entraîner à faire le signe du Z avec ses wadou à dessiner des fleurs. Même si au final on dirait que des cercles avec des boîtes. Elle aime trop casser des meubles, mater des japonais, casser des gueules et passer ses soirées à classer les scuds. De celui de son tonton qui va vite à celui qui aime que boire. Ouais. Eh les gens, comment voulez-vous que je voie les choses autrement que comme elles viennent? Elle lève les bras sur des clips de Bob au réveil et on me dit dans mon oreillette qu'elle se prépare à remporter le César de meilleure comédienne. Zine, un secte avec un Z. La vodka Didi. La vie est tellement précieuse, il faut en prendre soin. Devenir des gens bien, lendemain après lendemain. Y'a du sang qui coule dans mes veines, j'essaie au mieux de le respecter. Si la vie était une chaîne, elle ne m'aurait pas fait respirer. Je prends plein de choses comme une chance. Je remercie le Seigneur m'avoir donné mes parents pour le meilleur. J'ai la manière dans le caractère. On sait déjà que les chats font pas des chiens. Pour moi tous les enfants de la terre sont les miens même si c'est pas les miens. On regarde souvent derrière, parce que l'avenir est incertain. C'est vrai qu'il a l'air loin très bien, mais tant que rien ne sort de mes intestins, je m'en bats les reins. Ce que la vie m'aura appris, c'est que l'on choisit ses amis. Je suis le dernier descendant de mes grands-pères, à porter le même nom de famille. Faut que je perpétue la tradition, dans un monde qui tourne sur des addictions. Et dire à mon gosse, tiens regarde fils, ton bienvenu dans la maison que nous bâtissons. Tous les jours je me pose la même question, mais que laisserai-je comme dernière impression? Le matériel peut envier la fierté, l'amour ne compte pas les additions. Parfois il faut faire confiance à sa vision, c'est par la loyauté que nous pactisons. Rattraper ce qu'on a merdé dans les projets que nous réalisons. J'ai déjà commis une erreur, un pardon, a privé ce monde d'un nouveau sourire adorable. Maintenant je me demande où est la morale. Si de là où on voit que tout n'est pas normal, tous les actes ont une répercussion. Tout ce que je fais sera ma descendance. Alors j'ai décidé de faire du son, en attendant de procréer l'enfance. Il faut dessiner l'avenir, même si parfois on n'a pas les bons crayons. Ce qu'on va laisser avant de partir, on nous l'a donné avant que nous l'ayons. Le cycle continue, et on y contribue. Sinon on ne vit plus. Zassène.